Le sujet de la haine est très peu discuté, mais il se trouve que celui-ci est nécessaire pour éclairer les situations qui parfois ne sont pas toujours claires, puisqu'il y a des réalités qui se cachent derrière le mensonge cosmique. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de la haine et pourquoi son rôle est si important dans la destruction de certaines réalités? Nous savons tous qu'un ego peut se construire plusieurs alibis et se formater à plusieurs façons de penser avant de pouvoir reconnaître qu'est-ce que de l'intelligence. La nécessité de cet enregistrement a pour but de vous faire un résumé de la situation. Ainsi demain. Et ensuite, je parlerai de la haine. Depuis déjà presque quelques années, moi et David Lévesque, nous publions des sujets sur la conscience supramentale et ce que nous voulons faire exactement, pour ma part, c'est de créer dans la conscience de la masse des ouvertures pour inciter également les études. Nous ne sommes pas des personnes ou les gens qui travaillent dans l'exercice de la conscience supramentale auront toujours une responsabilité psychique, soit qu'ils ne peuvent pas d'aucune façon nourrir le mensonge, puisque cela nourrira les égos d'une façon ou d'une autre et amènera des certitudes. Dans le dernier enregistrement, nous avons parlé des Atlantes et le sujet des Atlantes ne doit pas devenir un sujet prépondérant dans cet enregistrement. Il s'agit rien que de rappeler qu'il y a eu d'autres civilisations par le passé qui se sont fait tromper par le mensonge parce qu'il n'a pas été détruit en eux-mêmes. Lorsque nous publions sur YouTube des extraits de nos conférences, il s'agit là de vous permettre de saisir l'opportunité d'aller plus loin dans votre générosité pour ensuite peut-être faire l'acquisition de cette conférence si celle-ci vous parle. Mais nous constatons que cela ne fonctionne très peu car nous assistons régulièrement à une certaine générosité populiste qui se résume en fait à des merci et des bravos, alors qu'en fait, nous ne sommes pas là pour servir les merci et les bravos, mais nous sommes là pour haïr le mensonge. C'est-à-dire que tous les enregistrements que je produis depuis le début sur YouTube et les livres écrits que j'ai publiés par le passé ont pour objet d'amener de l'information et d'éclairer la situation à l'égard de la conscience supramentale et de la psychologie de l'individu. Il ne s'agit pas d'être un psychologue pour l'individu, il s'agit de simplement expliquer des notions occultes d'une manière très simple afin que celles-ci puissent permettre à la Terre de mieux respirer dans les années à venir au niveau de la capacité de savoir qu'est-ce que c'est de l'intelligence. En somme, il ne s'agit pas de penser que les individus qui font des interventions et qui émettent des commentaires sont de mauvaise foi. Cela n'est pas le cas. Mais ce qui semble ou qui apparaît évident, c'est le principe même de voir que on ne peut pas instruire l'individu d'une manière claire si lui-même ne se censure pas dans sa façon de voir et d'expliquer ce qu'il vit. Principalement, ceci voudrait dire que si nous n'avons pas la capacité d'être transparents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher derrière l'anonymat et qu'on ne peut pas non plus essayer de vouloir interférer sur un mouvement simplement parce que l'on sait des choses. Ce qui est important de dire, c'est si vous appréciez un enregistrement, cela est compréhensif. Mais n'essayez pas non plus de nous instruire de votre réalité, car cela est une façon claire et nette de manifester de l'intelligence réfléchie à travers un propos, puisque le principe même de ces enregistrements n'est pas de vous instruire, mais est tout simplement de parler et d'être capable d'émettre dans la matière un discours qui a une certaine continuité au niveau de la capacité de régler une fois pour toutes la descente de l'âme dans la matière et savoir pourquoi celle-ci est descendue. Incidemment, cet enregistrement parlera de la haine, pourquoi il faut haïr le mensonge et quel est principalement le rôle de destruction de la haine. Donc, voici cet enregistrement qui sera disponible sur mon site pour la somme évidemment de 20$ si cela vous intéresse. La haine est l'explosion de la colère afin de détruire toutes les formes du passé dans une conscience. Lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'intercepter dans son ego ce qu'elle réfléchit, cela veut dire qu'il n'y a pas de structure mentale qui pourront asseoir la haine dans son ego pour un futur renversement des énergies qui polarisent et qui vampirisent sa conscience. Lorsqu'on parle de vampirisme, cela s'explique du fait qu'il y a toujours des entités derrière qui essaient de se justifier à l'homme. Et pour haïr le mensonge, il faut nécessairement que l'homme s'élève au niveau d'une vibration. Et la vibration de la colère précède toujours la haine, car il faut être en mesure d'avoir un socle de conscience très précis et très présent au mensonge cosmique pour ne pas tomber dans la haine de l'homme contre l'homme. L'individu n'est pas présenté dans une conscience totale dès le départ dans sa descente de la matière, et c'est pour ça que les forces occultes ont ainsi émis dans certaines réalités que des âmes pouvaient appeler des lois de la vie, alors qu'il s'agit de principes de vie à établir. Les lois de la vie ont été bien souvent galvaudées de spiritualité, d'ésotérique, ou encore, ceci faisait partie de la rétention des informations. Alors que la haine fera exploser dans l'homme sa parole pour qu'il n'y ait plus de retenue d'informations. Ces retenues d'informations, nous les voyons à tous les jours. Si vous pensez que les banques vont permettre à l'homme de se développer à l'intérieur du respect de l'argent, vous avez déjà compris qu'elles ont déjà des pourcentages faramineux afin de calculer leurs intérêts pour garder le contrôle de l'individu sur la Terre à de la subordination. C'est ainsi que l'homme intelligent peut très bien comprendre que tout ce qui se trame à travers les principes du mensonge, ce sont des principes de manipulation afin que l'homme ne voit pas clair. Comment l'homme est-il manipulé? Il est manipulé parce qu'il n'est pas en mesure d'intercepter la vibration qui se cache derrière une forme. Certes, des discours pourront toujours permettre d'éclairer l'homme, mais si le discours ne permet pas d'être une capacité vibratoire d'élever le mental de l'individu à sa propre compréhension pour que lui-même soit plus transparent, cet individu, nous assistons alors à de la manipulation. Émettre des enregistrements sur YouTube qui ne permettent pas à l'homme de s'éclairer n'est pas une réalité qui sert la conscience supramentale. Ce qui doit servir la conscience supramentale, c'est la destruction et l'exercice continu d'une parole pouvant attester que l'homme a de la continuité dans son verbe. La haine contre les forces occultes se manifeste simplement du fait que l'homme a énormément souffert. Et si une personne est consciente que la souffrance vécue est en lien avec l'incapacité de voir que l'information qu'on a servie à l'homme depuis des années est celle qui le manipule, ceci fait en sorte que l'homme ne se lève jamais en colère. Parce que pour précéder la haine, il faut de la colère à l'individu. Et comment peut-on haïr le mensonge complètement? Il faut aussi que l'homme ait recours dans la descente de sa conscience, accès à des énergies de l'amour, Car s'il n'y a pas d'amour dans son mental, l'homme fera toujours l'erreur un jour de se faire piéger par l'astral, car il oubliera que ce n'est pas l'homme qu'il doit haïr, mais les forces occultes qui ont assis sur la conscience de l'homme le mensonge cosmique. Ce mensonge avait certes pour but d'être un tremplin pour permettre à l'homme d'avoir accès à sa lumière éventuellement, car trop de lumière ne lui aurait pas servi et aurait probablement mené la conscience de l'homme à la folie. Est-ce que les forces de la lumière, eux, ont accès à de la haine? La réponse est tout simplement non, car la haine n'existe pas au niveau des forces de la lumière, puisqu'ils sont des créateurs qui sont capables de générer des formes et de les détruire instantanément. Donc, ils ne vivent pas ce que l'homme vit sur la Terre en lien avec le mensonge cosmique, puisqu'il n'y a pas au niveau de la conscience des êtres éternels d'impossibilité de se manifester. Ils sont toujours en droit de se manifester et ils sont toujours en droit de liberté. Alors que pour l'homme, cela n'est pas tout à fait clair. Et c'est pour cela que lorsque l'homme se manifeste au niveau de la haine, cela est très mal perçu, puisqu'il ne peut pas facilement exprimer cette haine dans le verbe, tout en étant conscient que l'autre ne le recevra pas, puisqu'il s'agit bel et bien d'une énergie qui est beaucoup trop violente parfois pour des égos qui ne sont pas capables d'être transparents. C'est donc dire que quand on ne peut pas être transparent, on véhicule un mensonge de soi-même sur les plans. Et ce mensonge, l'homme qui est le moindrement vibratoire l'interceptera toujours, puisqu'il y a toujours dans l'ego la volonté de vouloir faire le bien. Et ce n'est pas toujours évident de dénoncer la noirceur, car quand on sait que la vibration est très basse, cela est très facile. Mais quand il s'agit d'une vibration spirituelle qui cache le bien, mais qui en fait ne sert personne, puisqu'il s'agit bien de manipulation pour donner à l'ego un avantage, ou encore se justifier ou se donner un public, il s'agit bien là de reconnaître que la transparence n'est pas au rendez-vous. Et c'est cela qui va mettre l'homme en colère contre l'homme, non pas pour le haïr, mais pour haïr tout ce qui gravite autour de sa conscience. Et cela peut être autant l'ésotérisme, la spiritualité, la philosophie ou une petite psychologie de basse ville qui permet tout simplement un certain populisme au niveau de la générosité, au niveau du principe de l'amour. Et comme tout s'explique bien souvent dans la vibration, l'homme peut intercepter la vibration. Et quand l'homme se met en colère, il ne le fait pas parce qu'il le veut, il le fait tout simplement parce qu'il n'a pas le choix de le faire. C'est une vibration et cela exige de l'homme de la contenance aussi pour ne pas éclabousser l'homme. Par la suite, la haine se génère dans la conscience de l'homme parce que l'homme doit savoir ce qu'il haït s'il veut le dévoiler. S'il ne sait pas ce qu'il haït, il va se faire piéger lui-même et va tout simplement réduire son taux vibratoire en induisant peut-être qu'il a des bonnes réponses à des réalités alors que ces réalités, il ne les comprend pas parfaitement. Pourquoi est-il difficile d'haïr le mensonge? Il est difficile parce que l'homme ne comprend pas que la destruction d'une forme doit passer par une totale colère face à la liberté qu'on lui enlève. Cette liberté est toujours la résultante de souffrances que l'homme a dû trépasser et élever son mental en vibration pour que ces souffrances ne soient plus des mémoires et qu'elles se détruisent, celles-ci, afin que lui puisse très bien comprendre que la transparence qu'il acquiert par la destruction d'une mémoire est ce qui lui amènera cet individu à reconnaître les structures du mensonge. Quelles sont les structures du mensonge? D'abord, comme nous le disions auparavant, il s'agit de manipulation. Et qu'est-ce que l'on veut manipuler? Mais c'est l'ego qu'on veut manipuler dans sa capacité de colère pour qu'il s'éteigne, cet ego, devant la liberté qu'on lui enlève. Mais puisque la liberté de l'homme n'a jamais été définie dans son sens propre, c'est pour cela que l'homme se fait manipuler et il ne sait pas en réalité qu'est-ce que de la liberté. Donc, ces deux procédés-là font en sorte que l'homme ne peut pas haïr le mensonge parce qu'il ne sait pas ce qu'il a à gagner d'haïr. Les manipulations de l'ego se font adroitement parce que l'homme a énormément de mécanismes de défense pour cacher sa personnalité et non être dans sa personne. Difficile d'exploser en conscience quand on est dans une personnalité et que nous manipulons aussi le verbe et possiblement l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent écrire de grandes choses, mais cela ne sert pas beaucoup parce qu'ils se racontent en tant qu'ego et qu'ils ajoutent aussi de la spiritualité à la forme. Donc, qu'est-ce que la spiritualité? C'est la capacité de dire tout simplement à l'homme que les plans invisibles sont là pour le servir. Alors que lorsque l'homme est dans une haine absolue, il sait très bien que l'invisible ne peut rien pour lui et qu'il doit tout arracher. Par la suite, il sent sa liberté intégrale se manifester du fait qu'il n'a plus la capacité de réfléchir la vie de la même manière. Il est beaucoup plus transparent et près de lui-même parce qu'il y a dans son mental la mesure absolue que si on le manipule, cela veut dire qu'on lui enlève de la liberté. Pour comprendre la liberté, il faut aussi la reconnaître. C'est-à-dire que si vous émettez un commentaire, il faut savoir si vous tentez par votre commentaire à enlever la liberté de l'homme. On le voit très bien avec le déconfinement et la moralisation au Québec avec le docteur Arruda, qui, par ses bonnes paroles, nous démontre clairement qu'il veut contrôler la population d'une façon à l'infantiliser et à personnaliser sa propre personnalité sur le fait qu'il peut générer dans la société, au niveau de la santé, de la sécurité pour les égaux qui sont très craintifs. Mais cela n'est pas réel. Une personne qui voit très clair dans ce jeu-là sait très bien que lorsqu'on parle à l'individu et qu'on l'infantilise, on ne le respecte pas dans sa liberté. Pour être libre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut arracher au mensonge cosmique sa réalité. Et sa réalité, le mensonge, est celle-ci. L'homme n'a pas le choix de s'élever au-delà de la forme pour voir que tout ce qui se trame derrière une forme peut soit être érigé par de la spiritualité, de l'ésotérique ou encore une philosophie quelconque. Prenons la réalité des Atlantes. Les Atlantes étaient un peuple qui devait permettre la descente de l'intelligence afin qu'elle se manifeste. Cela n'a pas fonctionné car, avec les années, la souffrance vécue par les Atlantes était absente de la réalité. Qu'ils étaient de grands manipulateurs de l'énergie, mais aussi de grands manipulateurs du pouvoir parce qu'ils aimaient, d'une certaine façon, le pouvoir. Le lien avec eux. Le docteur Arruda et celui-ci, c'est qu'il y a un jeu de pouvoir et que le premier ministre Legault n'est pas capable non plus de s'élever, lui, au-delà de la santé pour voir que ce n'est pas la santé qui compte tant que ça dans une société, mais c'est la liberté. C'est-à-dire que si on éduque les gens par rapport aux 2 mètres et de se respecter mutuellement, c'est beaucoup plus intelligent comme principe de vie. Voilà pourquoi il y a énormément de manipulation au niveau du verbe et lorsque l'homme ne voit pas la manipulation au niveau du verbe, il ne peut pas savoir de quel énoncé ou de quel acabit l'ego est fait. Lorsqu'un ego est fait de personnalité qui nourrit de la spiritualité, vous allez remarquer qu'il y a toujours la possibilité à l'ego de s'en remettre à la vie pour s'expliquer, c'est-à-dire, oh, il y aura dans le futur des événements qui nous permettront d'être beaucoup mieux sur la Terre. Et cela n'est pas vrai Car si l'homme n'est pas capable de dénoncer les événements et de savoir ce qui se place au-dessus de chaque événement, cela veut dire qu'il est déjà dans le mensonge et qu'il est manipulé. Du fait que le mensonge cosmique a ceci de réel, c'est qu'il ne permet pas de savoir clairement, simplement par la déduction, ce qui se passe sur les plans invisibles. Il faut arracher par la haine et la colère ce qui se passe sur les plans. C'est la seule façon d'avoir de l'information qui est véritable au niveau de la transmutation de la vie de l'ego pour qu'il accède à une transparence qui lui permettra, le temps venu, d'être celui qui pourra instruire la lumière de ce qu'il est. Non pas pour instruire la lumière de ce qu'il veut changer, mais ce qu'il est. Et en étant dans la capacité d'éduquer la lumière de ce qu'il est, il y aura cette transmutation profonde du mensonge cosmique qui s'établira tranquillement, puisque l'homme est en mesure, dans une vibration sur la terre, dans le verbe et la parole, il est puissamment possible pour lui d'intercepter dans les consciences qui tournent autour de lui ou qui graviteront autour de la conscience supramentale, le mensonge qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de dévoiler. Et c'est pour cela que l'amour de l'homme pour l'homme est très important dans la haine, car il s'agit de construction et de destruction. On ne peut pas détruire le mensonge si on ne construit pas par la suite quelque chose de plus beau pour l'homme. Cet enregistrement a pour but de signifier cela. Oui, il y a la colère de voir que les enregistrements produits ne sont peut-être pas accessibles à la population, car il y a toujours des réalités qui ne peuvent pas être dites complètement sans que l'homme puisse se faire attaquer par la suite. Mais le vampirisme, qu'est-ce que c'est le vampirisme? C'est la possibilité de faire passer une vibration subtile qui est astrale pour de l'intelligence. C'est-à-dire que le discours sera très bien, mais il ne répond pas à la question pertinente qui est celle-ci. Est-ce que je suis transparent dans ce que je dis ou est-ce que, en tant qu'ego, j'essaie tout simplement de me placer au-dessus d'une forme d'un discours afin de simplement réaliser par le fait même que peut-être que l'homme doit être intelligent tout le temps dans sa vibration et s'il ne l'est pas, cela veut dire qu'il se réfléchit. Est-ce qu'il est facile pour un ego de voir qu'il se réfléchit? La réponse est non. Parce que la vibration de la colère, c'est une vibration qui explose le fait que tout ce qui doit être dit ne peut pas être attaché à de la réflexion. Aussi, la haine a pour énoncé principal, comme principe vibratoire, d'émettre sur les plans invisibles la prestance vibratoire d'une continuité psychique dans l'homme de sa parole. Soit que si vous dites quelque chose la semaine passée et que vous dites le contraire la semaine d'après, cela veut dire qu'il y a eu dans votre mental manipulation et qu'il n'y a pas de ligne directrice dans votre mental qui amènera une liberté totale pour votre ego. La prestance de l'homme sur les plans n'est pas encore connue parce que l'homme a de la difficulté à asseoir sa conscience dans la matière. Mais l'homme le fera puisqu'il y est dans une possibilité d'intercepter le mensonge pour l'homme, le droit absolu de revenir dans son centre de gravité. Parce que le centre de gravité pour détruire le mensonge est nécessaire. Car lorsqu'on s'attaque à des formes très occultes, il y a toujours des entités qui sont derrière. Cela veut dire qu'on n'est pas content sur les plans de ce que vous dites ici-bas. Et lorsqu'on n'est pas content de ce que vous dites, vous serez possiblement ciblé avec le temps par une haine des forces de la noirceur contre votre conscience. Et cela, si vous n'avez pas l'acabit de la vibration nécessaire pour empêcher le vampirisme, vous ne pouvez pas être immortel ou simplement dans un processus de conscience transparente qui mènera à de l'immortalité. Comme dit dans d'autres entrevues ou dans d'autres conférences, l'homme ne sera pas nécessairement immortel dans la matière et qu'il devra passer par le rayon de la mort pour connaître ce qui se trame derrière toute sa conscience. C'est-à-dire que s'il n'avait pas complètement investigué ce qu'il croyait ou savait sur le mensonge, il s'apercevra, l'homme, dans le mouvement de la mort, qu'il y a des réalités vibratoires qui n'échappe pas. C'est-à-dire, on ne peut pas être libre avant de mourir et on ne peut pas être libre dans la mort si on ne connaît pas le principe cosmique de la haine contre la mort, contre la non-intelligence et la capacité aussi de vouloir, dans le principe d'exprimer dans sa parole la liberté, être en mesure de transparence tout le temps. La souffrance de l'homme ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, et lorsqu'on parle de souffrance, il est encore énoncé dans la vibration de l'homme à ne pas souffrir qu'il faut qu'il traverse ses propres craintes face à la vie. Avoir des craintes face à la vie, c'est de la manipulation qui vient du fait que l'homme ne sait pas encore suffisamment ce qui se trame dans sa tête pour dénoncer et haïr le mensonge. Incidemment, il y a un cheminement qui doit se faire et ce cheminement se résume à ceci. C'est établir clairement comment, dans une journée, vous n'arrivez pas à être bien et pourquoi cela se produit-il. Bien souvent, c'est parce que vous ne vous permettez pas d'être capable de vous centrer sur la réalité que votre souffrance doit être mise à jour d'une façon totale, soit que vous ne vous pouvez pas laisser derrière aucune trace de spiritualité ou d'ésotérique qui se manifestera dans votre verbe pour dénoncer ce que vous vivez. La plus grande des réalités avec la haine dans les années futures sera celle-ci, sera celle d'élever le mental de l'homme à un statut de conscience qui ne lui permettra plus de s'assujettir à aucune force occulte de vie. Et les forces occultes sont très présentes sur la Terre. Pourquoi sont-elles présentes sur la Terre? Parce qu'ils ont la capacité, ces forces, de générer un mensonge et aussi la capacité d'instruire l'homme. Parce que les forces occultes, il s'agit bien de lumière parfois, mais il s'agit aussi d'entités qui peuvent manipuler le discours ou intercepter la lumière que l'homme doit avoir et tout simplement lui souffler parce qu'il peut se réfléchir, l'ego, à des réalités de fusion avec la lumière, alors que ces réalités de fusion ne sont pas avec la lumière, mais sont bien avec le plan astral. Comment définir le plan astral? Le plan astral est le plan qui permet à l'homme de se réincarner et de prendre possession de son corps physique par le fait même. Il est assujetti à des forces d'âme. Et l'âme étant le principe moteur premier de l'incarnation de l'homme, il y a donc des retenues d'informations qu'elle ne possède pas, puisque ceux-ci ont été emmagasinés dans la certitude que l'homme devait lui-même un jour se mettre en colère, haïr les forces et arracher à sa conscience pour que celle-ci grandisse le devenir de son soleil cosmique sur la Terre. Puissamment, on explique la conscience vibratoire de la haine du fait que si l'homme ne peut pas haïr une réalité, c'est-à-dire qu'il y a trop de spiritualité en lui, ou il y a trop une fausse générosité qui ne lui permet pas de comprendre ce que veut dire être gouverné dans sa conscience par des forces de lumière. Si nous prenons, par exemple, la réalité des gens qui haïssent énormément les États-Unis, vous comprendrez que cette haine envers le peuple américain est tout simplement de la manipulation et que ce peuple a une possibilité très, très précise, c'est qu'il a à générer suffisamment de liberté, soit dans le sens négatif ou positif pour établir que la dictature ne doit pas tromper l'homme. Si vous prenez un Américain et vous lui demandez ce qu'il veut le plus, c'est la liberté. Peut-être que cette liberté-là ne convient pas parfaitement à une structure supramentale de conscience et d'intelligence, mais cela n'empêche pas qu'il est déjà cet individu plus libre que celui qui ne peut pas quitter un pays où on lui enlève de la liberté. Je parle entre autres de la Chine, de la Russie, ces grands pays qui s'opposent à la dictature supposément des États-Unis, alors qu'en fait, les États-Unis sont un pays de liberté et qu'ils ont toujours eu dans le mandat cosmique de la Terre d'avoir le président qu'il se doit pour assurer qu'il ne se fasse pas marcher sur les pieds et qu'on ne casse pas du sucre sur le dos de l'homme. En ce sens, une conscience vibratoire peut saisir que lorsque l'homme parle au niveau de la haine, cette haine doit être tournée contre le mensonge. Et si elle n'est pas tournée contre le mensonge, il y a donc des investigations que l'homme doit faire par rapport à sa propre capacité de générer de la lumière. Lorsque nous regardons toute une réalité dans tout son ensemble, la principale chose, c'est jamais de se polariser. On ne peut pas avoir d'opinion lorsqu'on parle de conscience supramentale. On ne peut qu'avoir la vibration d'établir ce qui doit être établi. Est-ce que la haine du peuple québécois envers la religion a été suffisamment grande pour que la conscience supramentale descende au Québec? La réponse est simplement oui. Parce que lorsque l'homme peut haïr des forces qui l'obligent à prostituer sa liberté pour un semblant d'intelligence ou de dire tout simplement qu'il est grand le mystère de la foi, alors qu'en fait, la foi, c'est simplement une façon aveugle d'exprimer son intelligence, c'est-à-dire de la donner, tout simplement, et non pas de la regarder. Lorsque l'homme est placé devant la prière, il est en mesure de savoir qu'il communique avec l'invisible, tout en ne sachant pas que ce n'est pas l'invisible qui veut communiquer avec lui, mais c'est lui qui communique à l'invisible parce qu'il veut se faire guider. Alors que l'homme, dans la haine absolue, ne veut pas se faire guider. On est obligé de l'éclairer parce qu'il va dire « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'autorité absolue de savoir ce qui se passe et j'insiste pour l'homme de rappeler aux forces de la lumière qu'il a cette autorité absolue de savoir. » Cela est une haine. Elle s'exprime dans la contestation de tout ce qui est manifesté pour libérer l'homme de son intelligence. Et pour que l'homme se libère de son intelligence, il faut qu'il soit dans une intelligence absolue, c'est-à-dire que l'intelligence rationnelle qu'il a connue doit passer à un niveau universel. Donc, si on est dans une intelligence universelle, cela veut dire qu'on a droit et qu'on peut avoir accès à toutes les réponses. Il n'y a pas de mensonge dans l'intelligence universelle, mais dans une intelligence réfléchie, dans un discours qui est bien ficelé, on peut toujours sentir la morale qui en découle si on est capable d'être libre. Mais lorsqu'on n'est pas libre, on cherche des réponses et on ne peut pas vibratoirement voir ce qui se trame dans la réponse qui est émise par un écrit ou par un livre. Incidemment, tout ce qui doit être haï dans la capacité d'émettre sur la terre de la lumière, c'est le mensonge. Le mensonge fait en sorte qu'il ralentit la conscience de l'homme à établir pour lui-même qu'il doit toujours être un être libre. Même s'il souffre, il doit apprendre à être libre. Comment peut-il s'amener à ne pas souffrir et à être libre? C'est qu'il doit questionner sa souffrance et qu'il doit l'amener dans un niveau de transparence absolue. C'est-à-dire, on ne peut pas se raconter de mensonges dans la conscience supramentale, car il y a un énorme prix à payer qui est utilisé par les forces de la lumière pour s'assurer que cette transparence s'établisse. C'est donc ceci qu'il s'agit. C'est que si vous n'avez pas accès à une vibration pour vous définir dans une réalité de transparence, cela veut dire qu'on la retient. Et donc, vous devez l'arracher. Et comment arracher cela, c'est-à-dire, il faut savoir pourquoi, une journée ou une autre, vous vous faites parasiter par des énergies ambiantes ou astrales lorsque vous allez en société. C'est-à-dire que il y a des journées où l'astral est beaucoup plus présent à votre conscience parce que votre taux vibratoire a peut-être été un peu diminué dans le fait que vous avez baissé votre garde. Alors que l'homme, dans une haine absolue, ne baissera jamais sa garde car il a une colère totale contre le mensonge et il le voit parce que ce mensonge, il le sent. Il le sent de plusieurs façons. Il le sent du fait qu'on essaie de lui faire passer de l'intelligence pour de l'intelligence, alors qu'il s'agit souvent de réflexion, où on essaie encore de lui faire passer de la générosité pour une générosité réelle. Incidemment, l'homme est gentil en société, mais il ne s'agit pas pour l'homme d'être gentil, il s'agit pour l'homme d'en arriver à chasser de sa conscience, une fois pour toutes, le langage mielleux qui permet à des entités astrales de haut niveau de le supporter dans son intelligence. C'est-à-dire que si vous demandez à un double, est-ce que c'est réellement toi qui me parles, comment est-ce que vous allez pouvoir le savoir si vous n'avez pas la haine de savoir à qui vous parlez? Et c'est pour cela que la haine permet, avec le temps, d'établir la relation à l'horizontale avec son double et de le fusionner à sa conscience pour que lui ne soit plus en mesure de vous cacher quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous élevez au-delà votre conscience du mensonge cosmique et que vous établissez un discours avec les plans de la lumière. Donc, dans cette réalité, il n'y a plus de jeu, d'essai-erreur pour établir ce que vous êtes, car la lumière est obligée de manifester dans son verbe ce que vous êtes. C'est-à-dire, par vibration, vous allez savoir si ce que vous dites est réel ou non. La liberté de l'homme d'haïr les forces occultes est nécessaire, parce qu'elle va le mener lui-même, tranquillement, au pas de l'intelligence absolue, de se reconnaître en tout temps le discours de l'homme sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui ont la capacité de générer beaucoup de noirceur, et il y a des individus qui ont la capacité de générer de la spiritualité ou une certaine forme illusoire de beauté parce qu'ils ont un aura suffisamment puissant selon leur incarnation passée. Ils ont cette capacité. Si vous prenez les gourous en Inde qui sont en mesure d'aveugler des citoyens qui vont les visiter, vous comprenez que c'est puissant, une force occulte derrière une conscience. Mais l'homme ne doit pas avoir de force occulte derrière sa conscience. Il doit y avoir le socle de son ego intelligent qui est en mesure d'interpeller toutes les formes qui veulent le pénétrer par la pensée. Si une pensée amène une réflexion, il s'agit bien d'une entité derrière qui veut manipuler votre conscience. Pour être dans la pensée vibratoire, il faut intercepter, c'est-à-dire la liberté dans laquelle vous exercez votre parole. Pour cet enregistrement, le but précis est celui-ci de vous rappeler ou de rappeler à l'homme, à la conscience de l'homme, qu'il n'y a pas rien qu'il ne doit pas investiguer. C'est-à-dire que si on se manifeste à vous, et que cela ne vous apparaît pas comme de la générosité, posez-vous la question. Peut-être qu'on essaie de vous manipuler à partir d'une entité qui manifeste ou qui établit une réalité, parce que cela sert simplement une conscience et sert aussi les forces astrales. Comment ne plus être chevauché ou ne plus permettre le vampirisme de sa conscience? Il faut simplement définir à nouveau sa liberté. Cette liberté est toujours celle-ci, c'est que vous pouviez peut-être faire des choses il y a 2-3 mois, alors que désormais vous ne pouvez plus les faire. Pourquoi vous ne pouvez plus les faire? Parce que vous avez la certitude vibratoire que ce que vous faisiez ce que vous faisiez avant n'était peut-être pas la meilleure des choses pour votre liberté, soit qu'il y avait peut-être dans ce que vous faisiez un échappatoire quelconque pour échapper à de l'ennui ou du vide. Donc, si on parle de vide, il faut préciser que l'homme doit être en mesure, dans le vide, de voir s'il y a une vibration quelconque qui veut le faire bouger alors qu'il ne doit pas bouger. La manipulation des forces occultes est très grande au niveau de la conscience de l'homme et nous savons tous que l'ennui ou que tout sentiment qui détruit l'homme et qui ne l'élève pas en vibration fait partie du mensonge cosmique. Pour intercepter le vide et intercepter dans sa colère la vibration qu'il se doit pour se manifester, l'homme doit connaître sa liberté réelle. Et vous allez mettre en mesure votre liberté réelle dans la situation présente. C'est que si vous êtes capable de savoir qui vous êtes, vous n'avez pas à craindre ce que vous êtes. Par la suite, si vous êtes en mesure de savoir qu'il y en a qui voudront éteindre ce que vous êtes encore là en mesure de vous élever dans votre haine et votre colère face au fait que les morts ne veulent pas libérer l'homme. Les morts veulent garder prisonnier l'homme afin qu'eux puissent assurer et continuer leur manipulation de vampirisme contre l'homme. C'est donc dire que lorsque je parle de générosité, et j'établis clairement que la générosité de l'homme vient de sa liberté à savoir qui il est et non le contraire. Pour que l'homme puisse parler de liberté, dans sa générosité, il doit être en mesure d'aller voir et d'intercepter quelle est la beauté vibratoire de l'autre qui est devant lui. Est-ce qu'on essaie parfois de faire passer de la beauté pour de la liberté? La réponse est oui. Quelle est donc à nouveau la liberté que l'homme doit arracher dans la haine? Il doit arracher l'homme ce qu'il ne sait pas, toujours. Mais il le sait par vibration qu'on lui compte un mensonge et qu'il doit forcer les plans de la lumière à définir ce qu'il ne sait pas pour aller plus loin encore dans son verbe et l'expression de cette même liberté qui lui sera si chère dans les années à venir qu'il ne pourra pas l'oublier et qu'il ne pourra jamais non plus la quitter parce que ce sera sa seule direction dans le futur, à savoir que lorsque les forces de la noirceur tenteront de cibler l'homme dans sa conscience, il n'y aura que sa liberté de s'élever au-dessus du mensonge cosmique et de la haine d'avoir la certitude qu'il est lui-même un être libre et transparent. Donc, si nous prenons la réalité de la transparence, il est entendu que celle-ci est un radar psychique et vibratoire pour permettre à la haine de se manifester sur les plans et d'être aussi un corridor de lumière permettant à l'homme dans la matière de s'éclairer ensuite de l'information qui circule. Donc, si je fais le contact avec la lumière et je demande simplement ceci, pourquoi la haine et quel est son rôle? Voici ce qu'ils me répondent. Sans la haine, vous ne pourriez jamais être libre. Quel est donc son rôle? C'est de manifester un verbe plus grand dans votre conscience. Si vous êtes capable de haine, cela veut dire que pour vous, votre verbe se précisera à un niveau de conscience beaucoup plus grand et vibratoire. Prochaine question, pourquoi est-ce qu'il y a une vibration que l'homme doit intégrer dans la haine qui fait que son verbe sera plus grand? Et voici ce qu'il répond. On ne peut pas descendre de la beauté sur la terre si nous n'avons pas la certitude que l'homme peut haïr ceux qui l'auront amené à souffrir dans la matière son manque d'intelligence. Cela est grave et cela est grand parce qu'il résume ceci. Une conscience, ça ne peut pas s'amalgamer à de la non-intelligence. Une conscience, ça peut simplement être dans un mouvement de destruction de formes et de construction de nouvelles formes. Ces formes sont des valeurs que vous allez établir selon la liberté et la paix que vous avez besoin dans votre mental pour être libre. La paix d'un individu est toujours différente d'un autre. Il s'agit peut-être pour quelqu'un de travailler dans son jardin et de faire pousser des fleurs, alors que pour quelqu'un d'autre, il s'agit peut-être d'écrire des réalités ou de discourir sur des réalités ou encore d'aller prendre une marche dans la nature. La liberté que vous avez est la seule résultante vibratoire qui vous permettra de rester au centre de votre vie. Donc, la haine qui gravite autour de cette liberté et de cette force résonante de conscience est la puissance pour l'homme d'établir qu'il n'y a pas de maître au-dessus de lui. Lorsqu'un homme peut établir qu'il n'y a pas de maître au-dessus de lui, que se passe-t-il dans la matière? Il est capable de vivre le vide en tout temps. Il le vit parce qu'il est libre de ce que les gens pensent. Il est libre de sa vie, il est libre de ce qu'il a à accomplir. Il est simplement dans la capacité d'attendre la vibration pour se générer et être aussi dans ce qu'il doit être. Si une personne a à parler en public ou à faire des conférences, il est assuré qu'elle ne peut pas émettre un mensonge. Et si elle émet un mensonge, il est assuré encore que ceux qui ont donné de l'importance ou de la valeur à un tel discours auront à eux-mêmes à regarder leur propre transparence. Parce que c'est vibratoire. Si vous pouvez vibrer à la haine qui doit se générer en vous un jour, c'est parce que vous avez la capacité de reconnaître aussi que la colère que vous aurez à avoir contre vos impuissances doit vous amener à de la liberté plus grande. Et ce n'est pas une colère qu'on lance à l'homme pour se donner un rôle, c'est une colère qu'on manifeste dans la matière contre la bêtise et contre tout ce qui garde l'homme assujetti soit à de la bêtise ou à de l'ignorance. La haine a une capacité pour l'homme d'émettre en lui une vibration beaucoup plus haute qu'il n'a jamais connue. Et cette haine qui est transposée à un niveau de perfection absolue dans son mental est aussi recoupée d'amour de l'homme pour l'homme. Il y a une construction et une destruction qui se fait sur le coup. Si vous êtes apte à saisir que nous ne pourrons pas passer des années encore futures sur la Terre à ignorer le fait que l'homme sera davantage manipulé et qu'il sera davantage amené vers des forces spirituelles qui se déguiseront pour de la lumière, alors qu'en fait, cela ne fera que retarder encore et encore la liberté de l'homme sur la Terre. Est-ce que la haine amène obligatoirement un discours dans la parole destructif? Il s'agit de comprendre que les énoncés très précis d'une haine vont aussi être contre les services de la religion. C'est pour cela qu'au Québec, l'homme a une haine si grande qu'il va utiliser le sac contre toute possibilité de mensonge pouvant l'amener à croire qu'il y a un maître au-dessus de lui. Être prisonnier d'un mystère, c'est être sans haine face à l'invisible. Être prisonnier d'une quelconque façon de penser, c'est une incapacité de l'homme à générer de la colère pour arracher l'insuffisance de liberté qu'on ne lui permet pas. On ne lui permet pas parce qu'il ne sait pas qu'on ne lui permet pas. Mais un jour, quand l'homme sait ce qu'on ne lui permet pas, que découvre-t-il? Il découvre finalement qu'il n'y a pas de maître au-dessus de lui et il découvre aussi que le vide que l'on crée dans sa conscience pour qu'il se construise est nécessaire à la fondation de la transparence psychique de son soleil. C'est-à-dire, on ne peut pas être vibratoire si on n'est pas capable de contenir le temps. Contenir le temps en ce sens que les forces de la lumière vont travailler avec vous pour qu'un jour vous puissiez avoir accès à de la colère et à de la haine. Il ne s'agit pas de dire que vous voulez vous mettre en colère, puisque la colère est une vibration, et que la haine est aussi une vibration. Il s'agit de savoir si vous êtes en mesure, dès aujourd'hui, de vous opposer avec une colère qui vient non pas de votre centre émotif, mais qui vient de votre capacité à de vous rebeller contre le mensonge et de vos impuissances en tant qu'ego. Donc, si vous avez une capacité de vous rebeller contre le mensonge, il y a cette colère qui grandit et ensuite, vous avez la certitude que l'impuissance que vous vivez dans votre mental, c'est de la manipulation. Une manipulation cachée, avouons-le, est très subtilement cachée, car l'astral ne veut jamais se dévoiler. Et il s'agit bien d'astral. Il s'agit bien de mensonge, et c'est pour cela que lorsqu'on considère ou qu'on entre dans une haine absolue, on ne peut pas lever les pieds et dire que ce qu'on haït, on ne sait pas ce qu'on haït. Il faut savoir ce que l'on haït. C'est-à-dire que vous haïssez dans la vibration qui est émise bien souvent tout ce qui cherche à vous instruire, alors qu'en fait, vous n'avez pas à être instruit, mais vous avez simplement à partager quelques réalités avec une autre personne. Il y a toujours de la morale en société. On veut toujours vous dire qui vous êtes, alors que si vous n'êtes pas capable d'éliminer cette volonté de l'homme dans sa spiritualité ou sa fausse générosité à essayer de vous instruire, cela n'est pas réel. Parce que l'homme n'a pas à vous instruire, il a simplement à mettre votre mental en vibration avec la réalité que peut-être il y a des choses qui gravitent autour de vous que vous ne voyez pas. Mais l'homme n'a pas à vous les dire, mais il peut simplement les dévoiler en s'opposant, en disant « Est-ce que vous êtes certain de ce que vous dites? » Qui est-ce qui dit ça? D'où ça vient ce que vous dites? Ce sont là des questions fondamentales à l'émergence de l'homme et de sa puissance à éliminer aussi sur la terre le mensonge. Parce que l'homme ne peut pas supposer que l'homme sera tout le temps conscient et intelligent de sa vie. Il est obligé, l'homme, non pas de se méfier de lui, mais de regarder sur les plans, ce qui se manifeste au-dessus de l'ego. Et quand ça sent l'ego, parfois ça ne sent pas toujours l'ego. Parce que l'ego peut se cacher derrière des formes qui sont peut-être des grandes formes de spiritualité qui ont, dans le passé, manipulé même les âmes des hauts plans de la mort. Parce que eux, ils se croient vraiment immortels alors qu'ils n'ont pas la mesure réel de la lumière qui doit éclairer l'homme pour qu'il se libère du joug de tout mettre au-dessus de lui. On ne sait pas ce qu'on ne doit pas savoir si on n'est pas capable d'être lumière. Ce que l'on doit savoir, c'est quoi? C'est que la haine fera en sorte que l'homme pourra un jour assister à la confrérie de la descente d'un gouvernement invisible sur Terre parce qu'il n'y a pas de maître au-dessus de lui. Voilà pourquoi la haine est si importante. Elle se traduit du simple fait que l'homme est dans une mesure de destruction capable de voir le mensonge en tout temps. Il peut le vibrer, il peut aussi capter la bonne volonté d'une personne à vouloir faire le bien, mais cela ne suffit pas. Faire le bien, ce n'est pas suffisant. Qu'il s'agisse d'un enregistrement payant ou simplement gratuit sur YouTube, là n'est pas la question. Mais si l'enregistrement est payant et qu'une personne ne peut jamais oser dépasser la crainte de se libérer de la forme, elle ne peut pas être libre. Par exemple, comment se fait-il que les banques sont capables d'avoir des taux d'intérêt de 24 % de 28 % dans une crise telle que nous la connaissons et que les gouvernements ne sont pas capables de protéger l'homme de ces banquiers qui volent à l'homme une certaine liberté en l'assujettissant et par la suite qu'un individu qui paie des intérêts sur sa carte Visa n'est pas en mesure par la suite d'acheter une conférence, mais qu'il est très bien capable de payer des frais d'intérêt. Cela veut simplement dire que l'arnaque et la manipulation pour amener l'homme à de l'ignorance est très grande. Et il faut haïr non pas les banques, il ne faut pas haïr qui que ce soit ou le système, il faut simplement haïr ce qui se cache derrière le système. Si vous pensez que les gouvernements de la Terre n'ont pas un agenda qui est prescrit bien souvent par la finance planétaire, c'est que vous ne comprenez pas qu'il y a toujours des intérêts cachés dans le pouvoir. Et ces intérêts cachés dans le pouvoir sont ceux-ci. C'est qu'on ne veut pas que l'homme se libère de ce qu'il enchaîne. On ne veut pas non plus que l'homme puisse passer à un niveau de conscience qui permettra à la Terre d'harmoniser celle-ci au niveau de la volonté que l'information ne peut pas tromper l'homme. On trompe énormément l'homme et on fera encore et encore dans les années à venir parce que nous sommes dans le segment de l'involution. Et l'involution, c'est ceci. C'est d'avoir enlevé à l'homme la capacité de savoir sur le temps. Alors que l'évolution, c'est la capacité de l'homme de se mettre en vibration. Et est-ce que l'homme se met en vibration dans la colère? Il est amené forcément par les forces de la lumière ou par la souffrance qu'il a vécue à être en colère contre ce qui le domine. Et est-ce que les forces de la lumière le dominent? Non, mais ce qui gravite autour de l'évolution de l'homme pour qu'il découvre ou qu'il fasse descendre sur la terre sa lumière sont des exercices de domination continue et de manipulation qu'il doit subir et qu'il doit un jour révéler pour que puissamment la haine qui s'exprime dans son verbe soit capable d'être sur les plans. Et lorsque cette haine est sur les plans, que se passe-t-il? Il se passe que l'homme a beaucoup plus de voyance et de liberté et c'est ce qui lui permet d'intercepter dans la matière le mensonge ou toute sensibilité qui n'est pas ajustée à une réelle transparence. Donc, on peut très bien dire, ou l'individu peut très bien dire qu'il est transparent, mais l'est-il vraiment s'il n'est pas capable, dans sa conscience, d'éliminer parfaitement l'orgueil? Et qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est ceci, c'est le plus gros mensonge lié à l'absence de liberté dans l'homme. C'est une capacité de manifester dans l'homme qu'il a l'affaire, alors que sa liberté est simplement manipulée par de l'interférence astrale et de la manipulation. Est-ce que la manipulation va très loin? C'est sûr qu'elle va très loin. Elle se passe à tous les niveaux et elle amène l'homme jusque dans la mort à craindre même la mort. C'est donc dire que la haine à venir, dans les années futures, pourra être totale du moment que l'homme comprendra que les forces de l'immortalité qu'il doit y avoir et qui doit descendre dans sa conscience ne sont pas jumelées à de la non-intelligence, mais sont jumelées à l'intelligence universelle, de savoir que les forces de la lumière l'ont toujours voulu, cette haine en l'homme, pour la simple et unique raison. Il y a un principe de destruction qui doit être établi dans l'homme. L'homme ne peut pas toujours être dans la construction et de penser qu'il est un être de spiritualité parce qu'il fait de belles choses sur la terre. L'homme doit tuer la spiritualité en lui et il va tuer cette spiritualité en faisant apparaître dans son mental le radar psychique de la colère. Il va s'élever, l'homme, alors à la certitude que ce qu'il haït est bel et bien ce qu'il sait. Ce qu'il haït. Et ce qu'il haït, c'est toujours le discours mielleux de la générosité qui est fausse parce qu'on l'a vu populiste, alors que cette générosité-là fait partie de l'amour que l'homme doit avoir pour l'homme. Et quand l'homme est dans la vibration de l'amour qu'il doit avoir pour l'homme, vous allez le savoir, car il va se manifester dans son verbe la transparence. Sans transparence, oubliez ça. On ne peut pas rester dans l'anonymat et vouloir être transparent. Mon nom est Marc de la Salle et la transparence dans laquelle je vous émets est la suivante. C'est que ceci est un nom de plume et ceci est un nom de travail pour protéger ainsi le nom de famille que j'ai reçu à la naissance afin que celui-ci ne permette pas d'embûche. Mais cela n'est pas un but de vous manipuler. Le but est simplement de dire que le nom Marc de la Salle m'a été transmis par vibration, puisque un jour on m'a dit, un jour vous travaillerez en public et vous appellerez Marc de la Salle. Comment cela s'est fait-il? Cela s'est fait par le simple fait qu'un jour je travaillais dans une école secondaire lorsque j'étais aux études et que je faisais de la suppléance. Et on m'a dit à ce moment-là que l'école dans laquelle j'étais était tout simplement l'école secondaire de La Salle. Par la suite, lorsque je m'en allais à Ville-La Salle, près de Montréal, on a simplement établi encore que vous appelleriez Marc de La Salle un jour, afin de parler en public. Voilà la transparence. Et c'est la même chose pour tout individu qui aura amené sa vibration dans le monde. Il ne peut pas tromper l'homme. Et l'homme a droit de savoir à qui il parle et pourquoi cet individu a aussi l'autorité de parler en public. L'autorité par laquelle je dispose de parler en public ne relève pas d'une conscience de volonté de ma part. Cela relève d'une conscience d'établir que le mensonge est ceci ou cela. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je peux simplement dire que tous les individus qui viendront dans le futur et qui voudront parler de conscience supramentale auront à libérer l'homme des chaînes de l'évolution et d'agrandir en l'homme, par le fait même, par sa parole, la puissance de mettre en vibration leur propre liberté à ces individus afin qu'eux-mêmes sachent que la haine est très importante dans le développement de ce qu'ils sont pour un jour, eux, être aussi libres. Je vous remercie de votre attention et je tiens à préciser clairement qu'il ne s'agira jamais pour moi ou pour qui que ce soit dans mon environnement de vouloir éduquer l'homme, mais simplement de vouloir émettre des informations parce que l'information, c'est ce qui va mettre votre mental en vibration par rapport à ce que vous savez. Et si cela est réel pour vous d'être vibratoirement exposé à de l'intelligence supramentale, c'est parce que vous êtes déjà dans cette intelligence supramentale. Vous êtes déjà capable de haine et vous êtes aussi déjà capable de colère. Si vous avez la capacité de savoir que l'homme doit aimer l'homme jusqu'au bout de toutes ses souffrances, il ne peut pas juger l'homme, il doit l'aimer jusqu'au bout de toutes ses souffrances, parce que l'homme va se révéler un jour sans souffrance à la lumière, et c'est cela que les forces de la lumière veulent à travers la haine, que l'homme se révèle à eux sans souffrance, que tout ce qui a été établi dans le passé puisse faire résonner dans l'homme sa lumière.